إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, lors du dernier cours, nous avons commencé le chapitre sur le repentir tiré du livre « Les jardins des vertueux » d'Al-Hafiz al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Et nous avons lu le préambule par lequel l'auteur rahimahullah a introduit ce chapitre et dans lequel il nous a exposé l'obligation du repentir ainsi que ses conditions. Après cela, il a mentionné quelques versets du Coran et des hadiths à ce sujet, nous démontrant ce qu'il nous a exposé. Il a dit, rahimahullah, Allah le Très-Haut a dit, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et repentez-vous tous à Allah, aux croyants, ainsi vous atteindrez le succès. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à tous les croyants, hommes et femmes, jeunes et âgés, pauvres et riches, bons et mauvais, et ainsi de suite. Et il leur ordonne à tous de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala de leurs péchés et de leurs manquements dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Car nul parmi les croyants, qui qu'il soit, ne peut prétendre la perfection dans l'adoration d'Allah. Et tous les enfants d'Adam font des péchés, chacun à différents degrés. Aussi vertueux soit l'homme, il aura certainement des manquements vis-à-vis des ordres et des interdits d'Allah. Ou bien, il n'accomplira pas complètement certains ordres, ou alors, il lui arrivera de faiblir et de transgresser certains interdits. Il lui incombe donc de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala de ses manquements, de revenir à la droiture, de faire des efforts pour se corriger. Et c'est ainsi qu'agit le croyant, car la foi véridique pousse le serviteur à se repentir et à ne pas s'obstiner dans les péchés et les mauvaises actions. Et celui qui s'obstine dans les péchés et les mauvaises actions, alors ceci est un signe de la faiblesse de sa foi et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Et on voit dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a lié le succès au repentir. En effet, il a dit « وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ » et repentez-vous tous à Allah aux croyants, « لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » ainsi vous atteindrez le succès. En vous repentant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne fait aucun doute que chacun d'entre nous recherche le bien, recherche la réussite et recherche le succès. Et il est important de souligner ici que le succès, ce n'est pas ce que beaucoup peuvent s'imaginer aujourd'hui. En effet, nombreux sont ceux à idéaliser certaines choses, parfois même interdites, en raison des différentes propagandes médiatiques et pensent que le succès, c'est d'être connu auprès des gens, d'avoir une certaine notoriété, d'avoir de nombreuses richesses, de nombreuses maisons, de nombreuses voitures, et ainsi de suite. Toutes ces choses, derrière lesquelles courent nombre de ceux qui se sont fait leurrer par les biens éphémères de ce bas monde. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver et d'améliorer à tous notre situation. Donc le vrai succès, c'est quoi? Le vrai succès ici-bas, c'est d'être croyant, de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, de croire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, de suivre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, d'œuvrer dans l'obéissance à Allah et de délaisser les péchés. C'est cela le succès. C'est cela que l'on doit tous rechercher. Et ce succès, si tu l'obtiens, alors tu obtiendras bi'idhnillahi ta'ala le succès également dans l'au-delà, en obtenant l'agrément et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, en étant préservé du feu de l'enfer et en entrant au paradis, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer tous parmi les gens du paradis. Donc ce succès qui est le vrai succès, tu n'as aucun moyen de l'atteindre si ce n'est par le repentir, en délaissant tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit, à commencer par le plus grave des péchés qui est le shirk, le polythéisme, le fait de donner des associés à Allah. Celui qui a commis du shirk, majeur ou mineur, il lui incombe de s'en repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et de veiller à vouer le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala pour faire partie des muwahhidin, des gens du tawhid, des vrais monothéistes, ceux qui vouent un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a commis certaines parmi les innovations, il doit s'en repentir et revenir au suivi pur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi de suite, on se repent des péchés, qu'ils soient majeurs ou mineurs. Et tu reviens à tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée parmi les œuvres de bien. Tu reviens au tawhid, tu reviens au suivi de la sunna, et tu multiplies les actes d'obéissance et les bonnes actions. Et si tu fais cela, tu obtiendras bi'innillahi ta'ala le succès, ici-bas, mais également dans l'au-delà. Également parmi les bénéfices que l'on peut tirer de ce verset, il y a le fait que le repentir doit être sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, « Watubu ila Allah » et « Repentez-vous à Allah » c'est-à-dire « Repentez-vous sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala ». Tu dois donc prendre garde à être sincère dans ton repentir, à ne te repentir que par crainte d'Allah et par espoir de ce qu'il y a auprès de lui comme récompense. Et ne pas rechercher à travers ton repentir les compliments ou les éloges des gens, ou obtenir une place auprès d'eux, et ainsi de suite parmi les intentions corrompues qui pourraient te faire perdre la récompense de ton repentir. Tu dois donc te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, et être sincère en cela. Enfin, parmi les bénéfices que l'on peut tirer de ce verset, il y a ce qu'a mentionné le Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, qui dit que le fait que cet ordre nous soit adressé à tous, qu'il soit adressé à tous les croyants. « Watubu ila Allahi jami'an » et « Repentez-vous tous à Allah ». Ceci nous indique qu'il nous incombe de nous enjoindre mutuellement le repentir. Lorsque tu vois ton frère faiblir et commettre un péché, tu lui enjoins le repentir, tu le rappelles à l'ordre. Lorsque tu vois ta sœur faire un faux pas, tu la conseilles avec sagesse et l'appelles à se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi de suite. Repentez-vous tous à Allah et enjoignez-vous mutuellement le repentir. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un deuxième verset, il a dit, وَقَالَ تَعَالَى وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ et implorez le pardon de votre Seigneur, puis revenez repentant à lui. C'est-à-dire, implorez le pardon d'Allah pour vos péchés passés. Puis, durant le reste de votre vie, revenez repentant à Allah, en délaissant ce qu'Allah déteste et en accomplissant ce qu'Allah aime et ce qu'Allah agrée. Et ce verset nous démontre l'obligation d'al-istighfar, qui est l'imploration du pardon d'Allah, et l'obligation du repentir, car Allah subhanahu wa ta'ala nous les a ordonnés. Et comme on a dit, nul parmi nous ne peut prétendre à la perfection. Nul n'est à l'abri des péchés. Toi et moi, nous faisons tous des péchés et des faux pas. Et nous avons tous nos faiblesses. Chacun à différents degrés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit dans le hadith, tous les enfants d'Adam font des péchés. Et les meilleurs de ceux qui font des péchés, c'est qui? Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ceux qui se repentent. Ceux qui multiplient le repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui reviennent de la désobéissance à Allah à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc aucun doute que personne parmi nous n'est parfait. Mais si tu faiblis, si tu tombes dans un péché, si tu fais un faux pas, tu ne dois pas pour autant désespérer. Mais l'essentiel est que tu agisses comme il se doit et que tu saches qu'il t'incombe après cela d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et de te repentir à lui comme il te l'a ordonné. Et celui qui se repent d'un repentir sincère, Allah subhanahu wa ta'ala accepte son repentir. Et celui qui se repent d'un péché, il est comme celui qui n'a pas commis ce péché. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous mentionne un troisième verset et il a dit, وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا Ô vous qui croyez, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère, d'un repentir pur. Donc, comme dans les versets précédents, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans ce verset de nous repentir à lui. Mais il ajoute ici une précision importante. Et il nous dit subhanahu wa ta'ala, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère, d'un repentir pur. Et qu'est-ce que le repentir sincère? Les gens de science ont donné différentes explications au sujet du repentir sincère. L'imam ibn Jarir, rahimahullah ta'ala, a dit, ô vous qui avez cru en Allah, repentez-vous à Allah, c'est-à-dire, revenez de vos péchés à l'obéissance à Allah et à ce qui le rendra satisfait de vous. D'un repentir sincère, c'est-à-dire d'un repentir de sorte à ne plus jamais y revenir. C'est-à-dire d'un repentir qui te poussera à ne plus jamais revenir à ce péché. On comprend donc que ce qui est visé par le repentir pur, c'est un repentir qui va purifier son auteur de tout retour au péché. Il ne va plus revenir à ce péché duquel il s'est repenti. C'est d'ailleurs à ce sujet qu'on rapporte du prince des croyants, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, c'est qu'ils se repentent et ne reviennent pas au péché de la même manière que le lait ne revient pas dans la mamelle. C'est cela le repentir sincère, le repentir pur. Tu te repens et tu ne reviens plus au péché. De la même manière que le lait, lorsqu'il sort de la mamelle, il ne peut plus y retourner. Donc toi, une fois repenti, tu dois faire des efforts pour ne plus revenir à ce péché. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, a dit, c'est que le serviteur regrette ce qui s'est passé en étant décidé de ne pas recommencer. D'autres ont dit, c'est qu'il implore le pardon par la langue, qu'il regrette dans son cœur et qu'il s'abstienne par son corps. Il implore le pardon par la langue et dans son cœur, il a des regrets, il a des remords. Et en ce qui concerne son corps, il s'abstient de commettre ce péché. C'est cela le repentir sincère. Et l'imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, a dit que le repentir sincère est celui qui réunit entre quatre choses. La première, l'imploration du pardon par la langue. Tu implores le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala par ta langue. Mais cela ne suffit pas. La deuxième, l'arrêt par le corps. C'est-à-dire que ton corps cesse de commettre ce péché. La troisième, l'intention dans le cœur de ne pas recommencer. Puis il mentionne une quatrième chose et il dit, le délaissement des mauvais frères. Le délaissement des mauvais frères. Médite bien sur cette parole. Le délaissement des mauvais frères. Nombre de personnes ont parfois le désir de se repentir, regrettent réellement leurs péchés, implorent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, font des efforts pour délaisser ces péchés, ont vraiment l'intention de ne plus y retourner. Mais le problème est qu'ils ne changent pas de fréquentation. Ils continuent de fréquenter les mêmes personnes avec qui ils ont commis par le passé ces péchés. Si tu souhaites te repentir d'un repentir sincère, tu dois cesser de faire ce péché, mais tu dois également délaisser les personnes qui te poussent à commettre ce péché et changer de fréquentation, car les fréquentations ont un impact sur la personne. Donc écarte-toi des mauvaises personnes, homme ou femme, écarte-toi des personnes qui te poussent à tomber dans les péchés. Et également, écarte-toi de tout ce qui te mène au péché. Si aller dans certains endroits te conduit à commettre des péchés, écarte-toi de ces endroits. Ne te rends plus dans ces endroits sans nécessité. Si l'utilisation de certains appareils te pousse à commettre des péchés, écarte-toi de ces appareils. Ne les utilise qu'en cas de nécessité. Essaye de ne les utiliser qu'en étant accompagné, afin de ne pas commettre de péchés avec ces appareils. Nombreux sont ceux, par exemple, sur les réseaux sociaux à regarder des choses qu'il ne faut pas regarder, ou à écouter des choses qu'il ne faut pas écouter. Ils veulent s'en repentir. Et il dit, je me repens à Allah subhanahu wa ta'ala, mais je ne cesse de retomber dans ce péché. À chaque fois que je me repens, je retombe dans le péché. Mais as-tu désinstallé ces applications de mal qui sont dans ton téléphone? Si tu souhaites réellement te repentir, désinstalle ces applications. Délaisse ces sites, délaisse ces réseaux sur lesquels tu commets ces péchés. Si tu as constaté que leur utilisation t'amène plus de mal que de bien, alors délaisse-les. Pourquoi persistes-tu à rester sur ces réseaux alors que tu sais qu'ils te conduisent au mal et au péché? Donc pour réussir à se repentir et à rester ferme sur son repentir, il faut s'éloigner des causes qui te mènent au péché. Que ce soit des personnes mauvaises, que ce soit des lieux mauvais, que ce soit des appareils, que ce soit des sites internet ou toute autre chose qui peut te conduire au péché, délaisse-les. délaisse-les afin de pouvoir te repentir d'un repentir sincère à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a commencé à mentionner certains hadiths parmi les hadiths de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agré, il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dire, Wallahi, inni la astaghfirullaha wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min sab'ina marrah. Par Allah, j'implore le pardon d'Allah et je me repens à lui plus de 70 fois par jour. Rawahu al-Bukhari. Rapporté par Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. وعن الأغر ابن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Et d'après Al-Agar ibn Yasar al-Muzani, qu'Allah l'agré, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya ayyuha nas, ô vous les gens, toubou ila Allah, repentez-vous à Allah, wastaghfiru, et implorez son pardon. Fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah. Certes, je me repens 100 fois par jour. Rawah Muslim. Et ce hadith est rapporté par Muslim, rahimahullah ta'ala. Donc après nous avoir démontré l'obligation du repentir à travers certaines preuves du Coran, Al-Hafiz al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, passe maintenant aux preuves de la sunnah. Et dans ces deux hadiths, on voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous encourage et nous ordonne d'implorer le pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de nous repentir à lui. Dans le hadith d'Abu Hurayra, radiyallahu anhu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a juré par Allah qu'il implorait son pardon et se repentait à lui plus de 70 fois par jour. Alors qu'il est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il est celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné ses péchés passés et futurs. Malgré cela, il implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala plus de 70 fois par jour. Alors que dire de nous? Que dire de nous qui n'avons aucune certitude que nos nombreux péchés soient pardonnés? Il n'y a pas de doute que nous sommes bien plus dans le besoin de multiplier l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de doute qu'il nous incombe d'autant plus de nous repentir à Allah. Dans le hadith d'Al-Aghar ibn Yasar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse aux gens et leur dit « Repentez-vous à Allah, c'est un ordre. Repentez-vous à Allah et implorez son pardon. Ceci est une obligation. Nul parmi nous n'est à l'abri des péchés. Mais lorsqu'on fait un péché, il nous incombe de nous repentir et d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Donc dans ces deux hadiths, il y a la preuve de l'obligation du repentir et de l'obligation de l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a ordonnés. Et lorsque tu te repens à Allah subhanahu wa ta'ala, tu concrétises ainsi deux choses. La première est que tu te soumets à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à l'ordre de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le bien se trouve dans la soumission aux ordres d'Allah et aux ordres de son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est sur cela que repose le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Ceux qui sont soumis à leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, le Créateur des cieux et de la terre, qui se soumettent à ses ordres en les accomplissant, et qui se soumettent à ses interdits en les délaissant, et qui se soumettent également aux ordres et aux interdits de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'obéir à son messager, et nous a informé que celui qui obéit au messager, il a certes obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a informé que celui qui obéit au messager sallallahu alayhi wa sallam, il sera bien guidé. Donc le bonheur ici-bas et dans l'au-delà, il repose sur cela, la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, la soumission à ses ordres et la soumission aux ordres de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc en te repentant à Allah et en implorant son pardon, tu vas te soumettre à cet ordre qui nous a été adressé dans les versets que l'on a mentionnés, et également dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième chose que tu vas concrétiser, c'est que tu vas prendre pour modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas donc concrétiser son suivi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam se repentait quotidiennement, 100 fois. Et il implorait le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et se repentait à lui plus de 70 fois par jour. Donc si tu fais de même, tu auras ainsi concrétisé le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en cela. En disant, Astaghfirullah wa atubu ilay. Astaghfirullah wa atubu ilay. J'implore le pardon d'Allah et je me repens à lui. J'implore le pardon d'Allah et je me repens à lui. Et bien sûr, il ne faut pas penser qu'il suffit de prononcer ces paroles avec la langue pour obtenir le pardon de ses péchés, non. Celui qui se contente de dire cela avec sa langue tout en persistant dans les péchés ou sans avoir l'intention de délaisser les péchés, alors ceci n'est pas suffisant. Et on a vu dans le cours dernier les conditions pour que le repentir soit accepté. Il faut donc être véridique lorsque tu prononces ces paroles. Ne pas te contenter de dire « Astaghfirullah » et tu continues le péché. Aujourd'hui, beaucoup de gens prennent cette parole à la légère. Ils font le péché et en même temps qu'ils le font, ils disent « Astaghfirullah ». Et il a le sourire aux lèvres. Et ça, c'est une forme de mépris. En réalité, cette parole, il est à craindre qu'en la prononçant, tu sois dans le péché en agissant de cette manière. L'imam al-Qurtubi, rahimahullahu ta'ala, a dit « Nos savants ont dit « Al-istighfar qui est demandé, l'imploration du pardon qui est demandé, c'est celui qui va dénouer le nœud de l'obstination. » C'est-à-dire que celui qui s'obstine sur les péchés, c'est comme si cette obstination était un nœud bien serré. Donc l'istighfar qui est demandé, c'est celui qui va dénouer ce nœud. Et celui dont le sens est présent dans le cœur, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une parole avec sa langue, mais dans son cœur également, il se repent, il a des regrets, il a des remords. Il a l'intention de ne plus commettre ce péché. Et il dit, ce n'est pas simplement une parole, une prononciation plutôt, avec la langue. Ensuite, il dit, rahimahullah, quant à celui qui dit avec sa langue, Astaghfirullah, j'implore le pardon d'Allah, alors que son cœur persiste dans la désobéissance, alors son istighfar a besoin d'istighfar. Son istighfar, son imploration du pardon, nécessite qu'il implore le pardon. Celui qui dit Astaghfirullah alors que dans son cœur, il persiste sur le péché. Alors il a besoin d'implorer le pardon pour cet istighfar. Car comme on a dit, l'istighfar qui est demandé est celui qui dénoue le nœud de l'obstination. Ça c'est une chose très importante à comprendre. Implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas simplement une parole que tu prononces avec ta langue. C'est pour cela qu'il est obligatoire pour nous d'être véridiques avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'être véridique dans notre repentir. Et pour être véridique, il faut que tu délaisses et que tu cesses réellement les péchés et les désobéissances. Et également, pour être véridique, il faut que tu détestes ce péché. Que tu regrettes que tu aies des remords de l'avoir fait. Non pas que tu t'en vantes, non pas que tu te réjouisses de l'avoir commis. Mais pour que ton repentir soit pur et sincère, tu dois délaisser le péché réellement, le réprouver. Et avoir des remords pour le passé. Également, parmi les choses que nous démontrent ces deux hadiths, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parmi les gens le plus grand des adorateurs, celui qui craignait le plus Allah subhanahu wa ta'ala et faisait preuve de plus de piété sallallahu alayhi wa sallam. Malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ait pardonné ses péchés passés et futurs, il implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et se repent à lui plus de 70 fois par jour. Et ceci nous indique autre chose, qui est un bénéfice très important, qui est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait le bien par ses paroles, mais aussi par ses actes. Il ordonne aux gens à l'istighfar, il ordonne aux gens d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, et lui-même implore le pardon d'Allah, afin que les gens les prennent pour modèle, qu'ils se soumettent à son ordre et qu'ils le suivent dans ses actes. Et ceci fait partie de la perfection de sa loyauté sallallahu alayhi wa sallam. Et il convient à chacun d'entre nous de le prendre pour modèle en cela. Lorsqu'on ordonne une chose aux gens, nous devons être les premiers à accomplir cette chose. Lorsque nous interdisons une chose aux gens, nous devons être les premiers à délaisser cette chose. C'est ainsi que doit être toute personne qui ordonne le bien et qui interdit le mal, ou qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'elle fasse ce qu'elle ordonne et qu'elle délaisse ce qu'elle interdit. comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Il ordonnait le repentir et lui-même se repentait bien plus que nous. Il ordonnait l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui-même implorait le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala bien plus que nous. Et ceci nous montre donc qu'il est nécessaire de ne pas se limiter aux paroles, mais qu'il est important de faire suivre les paroles par des actes. Lorsque tu ordonnes une chose, mets cette chose en pratique. Lorsque tu interdis une chose, délaisse cette chose. Et n'oublie pas ta personne. Prends garde à ne pas oublier ta personne, mais à être avant tout le sermonneur de ton cœur. Ceci était donc quelques bénéfices tirés de ces hadiths et de ces versets que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnés. Et nous verrons lors des prochains cours, incha'Allah ta'ala, la suite des hadiths au sujet du repentir. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi ses serviteurs repentants et de nous accorder un repentir sincère. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.